ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله تعالى وبعونه سبحانه وتعالى l'explication donc de cette al-wasiyyah al-sughra de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh rahmatan wasi'a, donc la recommandation mineure. Hier on a vu ce que voulait dire al-wasiyyah. Qui c'est qui nous rappelle la définition de al-wasiyyah? Moujazan, jami'an, nafi'an. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Tout ce qui englobe un ordre ou une interdiction ou une menace. Wa'adhan, exhortation. Concise, résumé. Jami'an, naam. Qu'est-ce que ça veut dire, jami'an? Détail un peu plus. Lorsqu'on a dit jami'an, on a fait allusion à quoi? Qui c'est qui s'en rappelle? Explication du Coran et de la Sunna. Là. Jami'an. On a parlé d'un terme, Jawami al-Kalim. Et tfaddal. Kif? لا، نحن نتكلم عن معنى الوصية. نعم، on a rappelé que pour ce qui est de cette wasiya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et par rapport à la question qui a été posée, le Cheikh Abul Qasim il a demandé ce qui était en relation avec ad-din tab'an walakin kadhalik ad-dunya. Lakin ici ça ne rentre pas dans de manière plus globale ce que veut dire al-wasiya et du fait que une wasiya elle est jamia. C'est pour ça qu'ensuite on va voir parce qu'on va dire qu'on va reprendre fa'ulima annaha jami'atun. Jawami' al-kalim, qu'est-ce que veut dire ce terme et qu'est-ce qu'il est réellement dans la religion? Jawami' al-kalim. Avec peu de mots, on peut déduire beaucoup de sens. Sahih. Jawami' al-kalim. Naim, sahih. Taïb, wadam, aishu, Jawami' al-kalim. Ma huwa, Jawami' al-kalim. La, mou l'ma'na l'an. Yata'allak bimen, kafable, avec ka khususiyya, naim. Et naim. Et combien il en a des khususiyya, Nabi sallam? Sitta. Et ouais, kam? Sitta. اذكرها جوامع الكلم اعطيت واوتيت جوامع الكلم هذا واحد نعم جعل الارض جعل لي الارض طاهرا ومسجدا نعم او طهورا ومسجدا هذا دو سان في دو نعم نعم صحيح وحلت لي الغنائم يعني les butins de guerre ils ont été accordés au prophète sallam et rendus licites contrairement aux messagers qui sont venus avant lui. Ça en fait trois. Non. Khutima bin Nabiyoun. Ça en fait quatre. Il était la peur chez les affiliés quand ils se préparent à la guerre. Enam. Enam Arroab. Zahir. Ça en fait cinq. Et ensuite Enam. Rasiltu ila kafatin nas. Ça en fait six. Donc, Jawami al-Kalim, c'est le fait donc d'utiliser de très très peu de mots une phrase qui va contenir des termes qui sont restreints mais qui veulent dire, qui ont, dont le sens de ces termes ont une portée qui est grande, qui est générale. Naam. On avait vu également que al-wasiya, la meilleure des wasiya, c'est laquelle ? بالدليل بالدليل وموجود الفيرسي il est présent dans le texte même. نعم اي نعم هذا وصية الله لهذه الأمة والأمم السابقة طيب on a vu également que donc la meilleure des wasiyah c'est celle d'Allah et de son prophète et qui est donc comme l'a exprimé le frère en citant le verset du Coran, c'est donc la taqwa. C'est pour ça que lorsqu'on demande souvent aux gens de science, les grands savants, et avant eux, les imatou salaf, lorsqu'on leur demandait le wasiya, la première wasiya qui vient, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Avant cela, lorsqu'on a parlé de l'explication de ou de la définition de l'wasiya, qui c'est qui nous donne un exemple dans la sunna d'une wasiya que le prophète sallam il a donné? Non. Aussini la tarbab. Et ça, c'est donc un nahi. Ça, c'est un nahi. Et donc, c'est bel et bien une exhortation que le prophète sallam il a fait à cet homme dont il connaissait qu'il était sari' al-rabab. Adil wasiya, la tarbab, elle veut dire beaucoup de choses. Elle prend en compte beaucoup de choses. Donc, regardez, c'est uniquement deux mots. Lorsqu'il a dit le prophète sallam, aussini, donne-moi, recommande-moi, donne-moi une recommandation, un conseil. Alors il lui a dit ce terme, An-Nahi, la Tarbab. Ensuite, on a vu également quelle était la définition de la taqwa. On a donné la définition de la taqwa de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous a rappelé dans son livre, Majmu' al-Fatawa, également la définition de Talq ibn Habib. Qui c'est qui nous rappelle ? Qui nous la rappelle? Une des deux. Une protection entre la taqwa et. Tfaddal. Ta'amal bi ta'ati Allah, 'ala nuri min Allah. Inan. Tarju thawab Allah. Inan. Tatruka ma'siyat Allah, 'ala nuri min Allah. Takhafu 'iqab Allah. Donc, ça, c'est la définition qu'on a retenue pour ce qui était de taqwa. Ensuite, on a vu min fawa'id taqwa. Les bénéfices de la taqwa. Qui c'est qui nous rappelle quelques-unes parmi celles qu'on a citées? Il y a six. Parmi celles qu'on a citées, quelques-unes? Il y en a une que Allah subhanahu wa ta'ala avec l'argent. Naam, sahih. Antanal al-risq wal-makharaj. Ou ma wad dalil ala da? Akid. Non. Elle fait la protection de la rue contre la ruse de nos ennemis, des ennemis. Non, elle hiv. Sans qu'elle puisse. Min al-a'da. Surat Imran, verset 101. Et elle a pris la victoire d'Allah. Surat les abeilles, verset 128. Yani, c'est mieux de les citer en arabe, les versets. Qui c'est qui nous rappelle d'abord la première preuve du frère qui nous a cité pour ce qui est de Rizq ou Al-Makhraj? Allah nous apporte subsistance. Naam, sahih. Wa fi hifz al-a'da. Fi hifz al-a'da. La protection des ennemis. Faddal Hussein. Naam. Kunta moujoud bilams. Sah? Ma katabt al-aya. Tayyib. Encore une autre. Al Naam, al-Furqan. Qui c'est qui nous rappelle le verset? La preuve. C'est important d'apprendre les preuves. Man yattaqillaha yaj'al lahu furqan. Naam. L'aya, l'aya. Dalil ala al-Furqan. Qu'Allah donne le discernement. هذه الآية. شهد الفرقان. شهد الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. طيب في حفظ الأعضاء. ما أحد يذكر الآية؟ طيب نكمل إن شاء الله. Il est important, les frères, de يعني si on fait un cours. Ni d'apprendre des versets, d'avoir en tête ce que ça va apporter la taqwa, car ça nous yushajjiruna yahuthuna ala an yuzawwid anfusana bit taqwa. Ça va nous motiver lorsqu'on se rappelle, on se rappelle les versets du Coran, car le Coran, s'il est descendu, c'est pour l'apprendre et également pour le pratiquer. Donc la personne, lorsqu'elle se rappelle ces versets du Coran, elle se rappelle les effets de la taqwa et qu'elle les a en tête, dans son esprit, que c'est contenu dans son cœur également, ça c'est une arme. Et ça lui facilite donc sa voie, ça lui facilite son chemin pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc la science, c'est, quand on parle de science, c'est un de ses grands bénéfices. Et un des grands bénéfices de cette science, c'est cela. C'est à ce titre donc qu'on apprend et qu'on se souvient. Donc on s'était arrêté à la parole du shir. ثم إنه وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. نعم. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقا. هذا مو موجود في الله. عندك النسخة؟ طيب تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصرخه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم. Donc ici nous rappelle le Cheikh al-Islam رحمه الله que pour ce qui est de cette wasiya, et qui est la wasiya d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, dans le Coran, il nous rappelle donc qu'elle comprend deux catégories. Ali haqqan, haqqullah azza wa jal wa haqqu li'ibadihi. Donc le droit pour Allah azza wa jal envers Allah et le droit envers qui? Envers ses serviteurs. Tayyib. Et ensuite, il nous rappelle, et c'est ce qu'on va retrouver dans le hadith qui a été cité auparavant, dans le cours dernier, le hadith de Mu'adh. Et Mu'adh, on a vu ses fada'il, c'est-à-dire ses vertus et ses mérites qu'il a par rapport aux compagnons. Et on avait cité également le hadith où il sera ressuscité d'un pas devant les savants. Et ce hadith, donc, il était présent même dans la traduction. Et c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté à Abu Nu'aym, fil Kulliyatul Al-Awliya, et qui se trouve également fil Sahiha. Vous retrouvez le numéro dans la traduction. Naam, qui est le hadith 1091. Le hadith 1091 fil Sahiha. Donc c'était bien, bel et bien un hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de Fada'il Mu'adh. Ensuite, il va nous rappeler Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, que dans ce hadith qui va être cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté par Mu'adh, car ici c'est bien une wasiya qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh lorsqu'il lui a dit « Ya Mu'adh, اتق الله حيثما أو حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. Ça c'est le droit de qui? Le droit d'Allah Azzawajal. Et ensuite on va voir que dans le hadith également il va être cité وخالق الناس بخلق حسن. Et ça c'est le droit de qui? Le droit des serviteurs. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a deux droits, le droit d'Allah dans la première partie du hadith et ensuite le droit des serviteurs dans la deuxième partie du hadith. Et donc tout ceci va concerner cette wasiya. Et c'est dans ce sens qu'elle est donc jami'a, qu'elle est également complète. Elle englobe les deux droits, les deux types de droits que l'homme il doit observer. Non seulement il observe les droits d'Allah, mais il observe également les droits des créatures. Tu peux voir certaines personnes, il observe les droits d'Allah, la prière, la zakat, il fait ce qui lui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un minimum, et peut-être mieux encore avec les surérogations. Mais par rapport aux droits de Al-Ibad, les droits des hommes, tu le vois qu'il est naqis jiddan. C'est-à-dire qu'il est vraiment incomplet dans ce domaine-là. Et donc c'est pour ça que, si on prend bel et bien, et si on revient même à ce qui est de la taqwa, et qui est donc la wasiyatullah, alors on se rappelle que cette taqwa comprend également le droit d'Allah Azzawajal et le droit de Al-Ibad, c'est-à-dire donc des serviteurs, des hommes. Ittaqillah haythuma kunta. Donc crains Allah Azzawajal où que tu sois. Et lorsqu'on dit où que tu sois, haythuma kunta, hadha yashmal al-zaman wal-makan. C'est-à-dire le temps et également le lieu. Le temps à tout âge, que tu sois jeune ou que tu sois âgé, à tout âge. Et ici on n'a pas le droit de dire ou alors d'éduquer nos enfants en leur disant tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi, profites-en et Inch'Allah tu seras mieux quand tu grandiras. Ou alors que la personne elle-même elle pense que elle a encore le temps devant lui et que rien n'est encore arrivé en pensant qu'on soit ajal, certainement qu'Allah lui a écrit, lui a prédestiné une grande vie, et dans ce sens-là, donc, il va délaisser cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt. Donc ça comprend également le temps, mais également la place. Et pour ce qui est de la place, c'est-à-dire fi kulli mekan, wa sirran wa alaniya. C'est-à-dire donc que ce soit en public ou que ce soit en privé, que tu sois seul, caché du regard des gens ou que tu sois devant Allah Azzawajal, et que tu sois devant Allah Azzawajal ou alors en public et devant le regard des gens, alors il faut que tu craignes Allah Azzawajal. C'est ce que comprend donc ce terme « Ittaqillah haythuma kunt » وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجتي إلى التقوى في السر والعلانية. Donc on a dit السر والعلانية. Et la personne, pour qu'elle puisse concrétiser cette taqwa, في السر والعلانية, وفي كل زمان, en tout temps, qu'il soit jeune, qu'il vieillit, alors qu'il se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs. وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Parmi ses attributs, qu'il voit et qu'il entend, à tout moment et en tout lieu. Et celui qui se rappelle cela en tout moment et en tout lieu, et qu'il se rappelle l'implication des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, et parmi cela, ces attributs qu'on a cités, et d'autres encore, alors cela va l'aider. Et ça, c'est un des fruits, donc, d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, de les comprendre, mais également un ta'amal bi muqtada ma'na. C'est-à-dire que tu vas travailler, que tu vas accomplir tes actes suivant ce que impliquent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idha alimta annahu sami'u al-alim, annahu sami'u al-basir, cela va t'aider en te rappelant de cela, de ces attributs d'Allah azawajal, an tattaqillah fi sirri wal-alaniya. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé ce qu'était Al-Ihsan, dans le hadith que tout le monde a appris, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكذلك ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque la personne elle l'apprend, lorsqu'elle se rappelle et elle le contient dans son cœur, alors également ça c'est un des points qui va l'aider à concrétiser cette taqwa. Et par rapport à cela, il va ressentir la présence d'Allah azawajal s'il concrétise l'application de ce hadith. Et également, il va se rappeler qu'il y a ici deux maqams. Dans ce hadith, il y a deux maqams, c'est-à-dire il y a deux positions, ou il y a deux degrés. Le premier, c'est maqam al-mushahada. Maqam al-mushahada, qui est compris dans la parole, « Anta'budallah ka'annaka tara ». C'est-à-dire tu vas adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. « Hada maqam al-mushahada ». Et lorsqu'on dit al-mushahada, c'est la vision. C'est comme si tu le voyais, cette vision, mais cette vision bien entendu du cœur. Ça, mushahadatul qalb, c'est la vision donc du cœur. C'est comme donc cette foi qui va illuminer ton cœur. Lorsque la foi elle illumine ton cœur, c'est comme si donc tu vois Allah de par ton cœur. Hadil mushahada. Tayyib. Et la deuxième, c'est maqam al-muraqaba. Maqam al-muraqaba. Et qui est un degré en dessous de la première. Qui a un degré en dessous de la première. C'est pour ça qu'il a dit le prophète Sam, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Et si tu ne le vois pas, et si tu n'as pas également ce degré donc de foi, cette foi qui illumine ton cœur, comme si tu voyais Allah Azzawajal, alors rappelle-toi que lui, il te voit. وَهَذَا مَقَامَ الْمُرَاقَبَ. مَقَامَ الْمُرَاقَبَ, c'est-à-dire donc, le degré concerne donc Al-Muraqaba, et qui est la surveillance. La surveillance, l'observation. Tu te rappelles qu'Allah il te surveille et qu'il t'observe. Donc ici, maqam al-mushahada ou maqam al-muraqaba. De même, ici, un point qu'on va donner pour ce qui est de as-sir wal-alaniya. Ou une question dont on traite, dont il est propice de la rappeler. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ce qu'on appelle al-mujahara. Al-mujahara. Et qui va ici, dont on va faire la référence avec Al-Alaniya, c'est-à-dire ce qui est fait en public. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Kullu ummati mu'afan, illa al-mujahirin. Kullu ummati mu'afan, illa al-mujahirin. C'est-à-dire que toute ma communauté, mu'afan, ma'na al-afia, afallah, ank, anhum. C'est-à-dire qu'Allah azawajal, il pardonne aux gens qui auront fait un péché ou des péchés, mais il ne pardonnera pas à ceux qui l'ont fait en public, illa al-mujahirin. Et c'est pour ça qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner une image ou un exemple de ce qui rend fi al-mujahara. Fa yaqul wa min al-mujahara an ya'mal ar-rajul bil-layl. عملا ثم يصبح وقد ستر الله عليه فيقول يا فلان عملت كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. C'est-à-dire, dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler une des images de Al-Mujahara, c'est la personne qui a fait un péché durant la nuit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Bil-Layl. Car en réalité, l'image qui va être donnée Bil-Layl, on est fil dhulumat al-layl, c'est-à-dire dans les ténèbres de la nuit, et qu'on est loin des regards des gens. Et ça, c'est une image, bien entendu. C'est un cas également, une image, et ça veut dire que c'est bien plus général. C'est-à-dire dans le sens où, même si c'est fait durant la journée, mais que ce n'est fait qu'en privé, mais pas en public. Alors cette personne-là, elle l'a fait durant la nuit, elle a fait ce péché durant la nuit, amalan, amalan seyyan, bien entendu. Et qu'ensuite, une fois que l'aube se lève, elle va aller voir une personne ou des gens, et elle va se vanter, elle va leur informer du péché qu'elle a fait. Alors qu'Allah Azzawajal, il l'avait préservé. C'est-à-dire, il avait préservé de montrer aux gens ce péché. As-sitr. Et qui est le fait donc de cacher. Il a caché ce péché, Allah Azzawajal, qu'il a fait durant cette nuit. Et lui, il a été l'informer aux gens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'il est resté durant cette nuit-là, et alors qu'Allah Azzawajal lui a caché son péché, et que le matin il est venu, et qu'il a lui enlevé, il a enlevé donc ce voile qu'Allah Azzawajal avait mis entre le péché qu'il a fait et le regard des gens, et la connaissance des gens. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va tomber fil mujahara, et qu'il ne sera pas donc pardonné. Hadha ma'na al-hadith. Et si on regarde bien dans ce hadith où la personne elle fait le péché et qu'ensuite elle indique ce qu'elle a fait, il va y avoir deux préjudices. Le premier préjudice, c'est que, comme on l'a dit, elle a enlevé ou elle a trahi le voile d'Allah Azzawajal. Et le deuxième péché, c'est qu'en informant les gens, ou alors en faisant également le péché devant les gens, sans même se cacher, à l'ania, parce que le fait qu'il informe et le fait qu'il le fasse devant les gens, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Pourquoi ? Parce que le préjudice, il est le suivant, le deuxième préjudice, c'est qu'il va inciter les gens au mal. Wallahu musta'an. Donc regardez les préjudices que cela apporte. Car si cette personne fait le mal devant les gens, cette personne, ça va devenir habituel devant les gens. Les gens vont s'habituer au regard, ils vont même jusqu'à peut-être tomber dedans. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'on peut voir, malheureusement, dans beaucoup de sociétés. Le péché qui est fait devant tout le monde, ça devient donc un acte qui est banal. Et les gens, c'est-à-dire donc, ils se laissent aller pour ce qui est de ce péché. Et également une faïda qu'on va donner par rapport à ce hadith, ce que nous rappelle l'imam al-Nawawi, et qui est cette parole, « Man jahra bi bid'a au fisq, jahra dhikru, dun man lam yujahir bi. » C'est-à-dire la personne qui va faire devant les gens un péché, et qui ne se cache pas, ou qui informe. Et également la personne qui fait une innovation devant les gens et qui ne se cache pas, alors cette personne, il est permis d'en parler, pour donc, et de le citer, pour empêcher son mal, ou pour mettre en garde de son mal. Ça, c'est ce que nous rappelle l'imam al-Nawawi à partir de ce hadith qui est al-Mujahara. Et également, un point qui va rentrer dans cela, c'est que la personne, si Allah Azzawajal, elle l'a caché de par ses péchés, et que c'est une personne qui n'a vraiment pas l'intention de faire des péchés en public, et que si il arrive qu'une personne le voit, et que lui ce n'est pas une personne qui habituellement on pourrait le voir faire des péchés ou etc., et qu'on sait donc qu'Allah Azzawajal, il a caché ce péché-là devant les gens, alors de même, il incombe à la personne de cacher le péché de cette personne, si elle le voit. Ça également, c'est ce qui incombe à tout musulman, de cacher les péchés de son frère. Si, bien entendu, la personne, elle ne rentre pas dans ce qu'on appelle al-mujahirin, illa al-mujahirin. Ensuite, Le cheikh, en commentant donc la suite du hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. On va revenir donc sur cela. Il va revenir, le cheikh, il va expliquer encore plus par rapport donc à cette partie du hadith. Il va donner une image pour expliquer, pour donner le sens même de ce hadith. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. C'est-à-dire, fait suivre la mauvaise action par la bonne action. Elle l'efface. Donc on va s'apercevoir ici qu'il va y avoir des actes qui s'appellent al-a'mal al-ma'ahiyah. Des actes qui effacent. Des bonnes actions qui effacent. Et il nous dit فَإِنَّ الطَّبِيبُ مَا تَتَنَوَّلَ الْمَرِيبُ شَيْئًا مُضِرًّا أَمَرَهُ بِمَا يُصْلِحُ وَذَنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ. Donc, l'image qui est donnée, c'est le docteur. Lorsque le malade absorbe une substance qui est novice, il va donc lui prescrire ce qui le guérit. Et c'est de même ce qu'a fait le prophète sallam pour ce qui est de Seiya, celui qui va tomber dans les péchés alors qu'il fasse des bonnes actions. Et avec la niya, que ces bonnes actions, elles effacent quoi? Elles effacent quoi? Les mauvaises actions. Et donc on va s'apercevoir qu'il y aura ici donc deux catégories de bonnes actions. Les bonnes actions qui sont générales, mutlaqa, et qu'on attend donc une récompense de la part d'Allah Azzawajal. Mais également des bonnes actions qui vont permettre, et dont la niya, qu'elles effacent les mauvaises actions qu'on a faites. Donc également ça c'est important à connaître, à savoir et à appliquer dans la vie de tous les jours. Et on verra donc ça fait partie également min mana mawani' infad al-wa'id. Et lorsqu'on parle de maladie, car ici le cheikh il fait une image en rappelant donc les maladies, al-marad, il faut savoir que al-marad, il y a deux sortes de marad, il y a deux sortes de maladies. Si on considère donc Seiya comme al-marad, si on considère donc la mauvaise action comme une maladie, le premier type de maladie, et ici qui sont les maladies du cœur, bien entendu. Car lorsqu'il a parlé du tabib et du marid, c'est la maladie du corps. Mais ici, ce qui va être voulu dans le hadith, c'est comment rétablir et comment effacer ou comment prescrire ce qui va éliminer ces maladies, c'est-à-dire les maladies du cœur. Et parmi donc les maladies, il y a deux types de maladies. La première maladie, c'est ash-shubuhat. Et la deuxième catégorie, c'est Al-Shahawat. Enam. Deux sortes de maladies qui viennent rentrer dans le cœur, qui atteignent le cœur. La première, c'est Al-Shubuhat. Et la preuve de cela, c'est un des versets du Coran, où il est cité le terme Marad, et il est voulu par cela Al-Shak, le doute. Et qui rentre dans une, donc, et qui est une des formes de Al-Shubuhat. Qui c'est qui nous rappelle ce verset ? Les innovations. Les innovations qui touchent la croyance. Et la personne, donc, elle doit prendre garde à cela. Car si cette maladie atteint le cœur d'une personne, alors bien entendu, toujours il y aura la difficulté pour l'enlever, pour la dissiper. Et ces maladies du cœur, elles viennent lorsque on va apprendre des choses qui sont contraires à la sunna, contraire à la voie des salafs. Et lorsque ces choses qui sont dites innovées rentrent dans le cœur des gens, alors il est dur ensuite de les enlever. Car cette maladie, c'est comme un cancer. Elle rentre dans le cœur et elle se propage ensuite. Et le pire, c'est que la personne qui va être atteinte de cela, de l'innovation, dans la plupart des cas, il croit qu'il est sur le haq, il croit qu'il est sur la vérité, alors qu'il est sur le faux. Et ça, c'est la pire des choses. De faire quelque chose de croire quelque chose et qu'en réalité, fi al-waqi' et au regard de la religion, ce n'est pas cela. Il est en pleine contradiction. Donc la personne, elle doit prendre garde à s'éloigner de tout ce qui touche l'innovation et bien entendu ceux qui propagent les innovations. Et cela va de soi. Et la deuxième, c'est donc al-shahawat. Al-shahawat qui sont les passions, les désirs. Donc les premiers, shubuhat, et ensuite les shahawat. Qui sont les passions, qui sont les désirs, comme shahawat al-nisa, comme les désirs des femmes, de tomber dans le muharram, etc. Ça également, c'est des maladies qui touchent le cœur. Et dont la personne, elle doit s'en écarter. S'écarter de tout ce qui va polluer son cœur de ses shahawat. Et qu'est-ce qui nous prouve dans le Coran que le terme également marad, il est venu et qu'il est voulu par al-marad, par ce terme employé, il est voulu al-shahawat. C'est ce qui nous rappelle un verset du Coran. Le terme marad, il est utilisé et on veut par là al-shahawat. Le premier, c'était al-shubuhat. Fi qulubi maradun, fazadahum Allah marada. Hada shahawat. Shubuhat, arfan. Fa shahawat. Fayatma'a. Naam. Atma'a alladhina fi qulubihim marad. Naam. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. C'est-à-dire que celui qui va avoir dans son cœur al-marad, et ici c'est al-shahawat, il va avoir un désir qui est pervers, un désir qui est contraire à la religion, désir pervers. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Bien entendu ici, le verset concerne les croyantes et les mères des croyants qui doivent donc, lorsqu'elles doivent parler, lorsqu'elles parlent à des inconnus et des étrangers, mettre un voile entre eux et elles. Pour, afin de se protéger de cela, de se protéger donc de ces gens qui ont cette maladie. Donc ici c'est al-shahawat. Donc on voit que le Coran il a utilisé les deux termes marad dans les deux sens qu'on a cités. Fala tahba'na bil qawl. Et donc ici, la femme elle ne doit pas avoir un langage qui va être léger, amuseur, etc. avec un homme qui est étranger à elle. Si dans la nécessité, elle doit lui parler. Également pour ne pas donc créer dans cette personne qui a la maladie une fitna encore plus grande. Wallahu musta'an. Ensuite, il nous dit وَالذَنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ. حَتْمٌ, ça veut dire que c'est quelque chose qui est la بُدَّ مِنْهُ. Il ne peut s'écarter du péché. C'est ce qui est prédestiné. Et c'est pour ça qu'on va dire مَعْنَ حَتْمٌ Al-qada, al-muqaddar, al-lazim, al-wajib. Quelque chose dont Bani Adam, la personne de Adam, ne peut pas s'en écarter. Il va être obligé de tomber dans le péché. Donc c'est quelque chose qui a été écrit par Allah Azzawajal. Alladhi la budda min fi'alihi. Donc cela va inévitablement advenir pour l'homme. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans ce hadith authentique Inna Allah kataba ala Bani Adam. حظه من الزنا, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il a écrit, il a prédestiné à l'homme une partie, حظه, donc الحظ c'est une partie, une part, من الزنا, du zina, pour tout homme, personne ne pourra y échapper. Et il va dire أدرك ذلك لا محل, cela donc va le toucher, il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir. Et ce qui est bien entendu voulu ici par zina, c'est ce que va nous citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fazina al-ayn al-nazar. Zina al-ayn al-nazar. La personne qui va regarder une deuxième fois, la personne qui va regarder ce qui est muharram, wa yazni bil-ayn. Fahada yutlaq alayhi zina. Wa hada la budda minhu. Yahsul min al-insan. Wa kadhalik, wa zina al-lisan al-nutq. وزنا اللسان زنا اللسان النطق c'est-à-dire la parole qui va sortir de la personne, qui va dire une parole qui n'est pas convenable à qui il lui est interdit. Ça, c'est également, ça fait partie du zina. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul an-nafs tatamanna wa tashtahi. Ensuite, après cela, après qu'il ait vu, après peut-être qu'il ait parlé, an-nafs tatamanna wa tashtahi. C'est-à-dire que le nafs ammaratu bis-su, ce nafs-là, il va désirer, il va convoiter, il va vouloir. Falfarju yusaddiqu dhalika aw yukadhdhib. Et ensuite donc le sexe, il va rendre cela véridique, c'est-à-dire en tombant dans le véritable zina, c'est-à-dire l'acte même, ou alors yukadhdhib. Yukadhdhib, c'est-à-dire qu'il va renier. Il va renier cela. La personne ne passera pas à l'acte. Tayyib. Donc dans ce sens, on voit que c'est une preuve de ce que nous a cité le shir lorsqu'il a dit lil abd, adhambu lil abdi ka'annahu amrun hatmun. Et Ibn Hajar, rahmatullah alayh, il nous rappelle que pourquoi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam atlaqa zina ala hadha al-fi'l, yani al-ayn, fi'l al-ayn qui est an-nazar, wa fi'l al-lisan qui est an-nutq. C'est-à-dire c'est des choses qui vont amener, pousser la personne à faire le zina. C'est pour ça annahu atlaqa ala hadha al-fi'l an-nazar wal kalam az-zina. Si on a parlé de la mauvaise action, al-dhanb, nahnu na'lam anna Allah khaliqu kulli shay. Sah amla? Aqidatuna anna Allah khalaqa kulli shay. خلق الخير وغير الخير خلق كل شيء وخلق أفعال العباد كالله عز وجل il a également créé donc toute chose, il a créé le bien, il a créé ce qui est en dehors du bien, et également il a créé les actes des hommes. Ici il est important de savoir et de pouvoir répondre à beaucoup de gens souvent qui vont venir avec cette chouba. Ici, on est dans les chouba. Pour vous mettre le doute dans le cœur. Le musulman qui va être faible et qui a peu de connaissances, peut-être que le doute il va tomber dans son cœur, va s'infiltrer, s'incruster dans son cœur. Wallah al-musta'an. Et c'est de savoir pourquoi Allah Azza wa Jal, quels sont les asbab, quelles sont les causes de la création de ces actes-là. Et de la création donc de ces choses-là. C'est-à-dire donc, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim fi Madarij al-Salikin, il va rappeler beaucoup de points et beaucoup de sagesse qui nous montre pourquoi Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la sagesse de la création de la mauvaise action et la prédestination de ses péchés, c'est-à-dire la prédestination des péchés de l'homme. Il va nous dire Hadha babun azim min abwab al-ma'rifa. C'est-à-dire que cette porte-là, ou ce chapitre-là, c'est un grand chapitre de la connaissance. Et il y a peu de gens donc qui ont accès à cela, qui s'en rendent vraiment compte, ou qui ont même connaissance de cela. Et il va en citer plusieurs dans son livre, Madarij al-Salikin, et nous on va en citer quelques-unes, pas toutes, pour que ça reste résumé, mais c'est important de les savoir. Donc il va dire le shir shuhud al-hikma al-baligha min qada as-sayyi'at wa taqdir al-ma'asi. On sait également, parce qu'on parle également ici de la prédestination du dhanb, que le péché est prédestiné. Et lorsqu'on parle de prédestination, on sait que la prédestination elle a plusieurs maratib, elle a plusieurs étapes, la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah il décrète, il prédestine une chose, il y a plusieurs étapes, comme nous l'ont décrit les savants de la Sunna dans les chapitres de la croyance. Qui c'est qui nous rappelle les quatre étapes de la prédestination? Al-maratib al-arba'a lil-qadar. Destin favorable et défavorable, nos biens matériels, le jour de notre mort, et si on va au paradis, on va. Les étapes de la prédestination. les étapes de la prédestination. Toi, tu es plus rentré dans des catégories. Ici, c'est les étapes, pas les des catégories. Naam. Al-kitaba. Et naam. Al-mashi'a. Al-kitaba. Al-mashi'a. Sauf que c'est pas dans l'ordre. Naam. Al-ilm. Dans l'ordre. Al-ilm. Naam. Al-khalq. Al-ilm. Al-mashi'a. Al-ilm. Al-kitaba. Al-mashi'a. Et naam. Al-ilm. Wal-kitaba. Wal-mashi'a. Wal-khalq. هذا مراتب القدر سديع العلم dans un premier temps la science c'est qu'Allah Azza wa Jalla est la science de toute chose de ce qui est arrivé de ce qui si ce serait arrivé comment ça serait arrivé Allah Azza wa Jalla est la science de toute chose et sa science elle est absolue ilm mutlaq et donc dans ce sens c'est la première étape de la prédestination al-martabat al-oula les Al-Qadar. Ensuite, Al-Kitaba. An-Allah kataba fil lawh al-mahfouz. Allah Azza wa Jalla, il a écrit toute chose qui allait advenir dans Al-Lawh al-mahfouz. La tablette bien gardée. C'est écrit. Tout ce qui va advenir. Tout ce qui va advenir. Jusqu'à la feuille qui, à l'endroit où elle va tomber. Et quand elle va tomber, c'est écrit fil lawh al-mahfouz. Ça, c'est Al-Kitaba. C'est donc la deuxième étape de Al-Qadar. Et ensuite, la troisième étape de Al-Qadar Al-Mashi'a. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a voulu que cela arrive. Et quand on dit il a voulu que cela arrive, ça concerne toute chose. Donc ici, on est bien dans la prédestination et ça concerne toute chose. Que ça concerne les choses qui sont dans le bien et que ça concerne les choses qui sont dans ce qui n'est pas le bien. Taïb. Et ensuite, la dernière, c'est Al-Khalq. C'est Al-Khalq. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il va créer ce qui est. Il a su, ce qu'il a écrit, ce qu'il a voulu, il le crée, subhanahu wa ta'ala. Ça advient dans ce monde. Donc ça, c'est les quatre catégories, c'est les quatre maratib al-qadar. Al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wa al-khalq. Donc la science, l'écriture, la volonté et la création. La science, l'écriture, la volonté, la création. Et lorsqu'on dit, bien entendu, la volonté, ici c'est la volonté qui est universelle. La volonté qui est universelle. Taïeb, car il y a deux sortes de volonté. La volonté qui est universelle et celle qui est religieuse. Qui est religieuse. Qui est en accord avec la législation. Qui est en accord avec les législations. La volonté qui va être universelle d'Allah Azza wa Jalla, c'est que, comme on a dit, tout ce qui va arriver, que ce soit les mauvaises actions, que ce soit les bonnes actions, Taïb, ça arrive par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Rien ne sort de la volonté d'Allah. Que ce soit donc le bien ou le mal, que ce soit que la personne elle soit mu'mine ou qu'elle soit kafir. Par contre, la deuxième volonté, c'est la volonté, comme on a dit religieuse, taïeb, dini, c'est la volonté qui concerne ce que Allah Azza wa Jalla il aime. Ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime. Et tout ce qu'il a aimé et tout ce qu'il agrée, il nous l'a rendu obligatoire. Ou alors, Mustahab, c'est-à-dire surérogatoire. Donc tout ce qui rentre dans cela, ça fait partie de la deuxième volonté qui est bien plus précise ou alors bien plus spécifique que la deuxième volonté qui est plus générale. Ça c'est pour comprendre en introduction ce qui va ensuite suivre. Pour comprendre donc la sagesse ou les sagesses de la création des mauvaises actions. Parmi ce qu'il a cité le Shir, rahmatullah alayh, أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم وإحسان على من أساء إحسان على من أساء. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il aime qu'il fasse grâce à ses esclaves et qu'il fasse bienfaisance à ses esclaves. Ihsan, toi tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es tombé dans les péchés et malgré cela Allah il te pardonne, il te fait de l'ihsan. Allah il aime cela. Adam min hikmati, ça fait partie de sa sagesse. La deuxième, أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle voit les mauvais actes qui adviennent, tout ce qui rentre dans les mauvaises choses qui adviennent autour d'elle, alors elle va se rendre compte et elle va avoir science qu'elle a besoin à tout moment et en tout lieu de quoi ? De la protection d'Allah Azzawajal. Min hifdhihi. Ça également, ça fait partie de la hikmah. Et ça permet donc à l'homme qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y avait pas ces choses-là, l'homme il ne se rendrait pas compte comment il a besoin et combien il a besoin de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce sens, istijlabu al-ubudiyyati al-mutanawwi'ati min al-'abdi idha aznab. C'est-à-dire donc que ça pousse l'homme lorsqu'il sait qu'il y a tant de mauvaises choses autour de lui. Et les mauvaises actions qui sont présentes, ça pousse l'homme à quoi ? À faire des efforts dans l'adoration, pour qu'il s'en écarte. Ça le pousse à faire des adorations, des efforts dans l'adoration pour qu'il s'en écarte. Et qu'il se repente, et qu'il invoque Allah Azza wa Jal. Et également qu'il se sente faible. يَتَضَرَّعْ أَمَامَهُ وَيَسْتَعِنْ بِهِ. Il lui demande sans cesse protection. Et combien de fois on demande la protection d'Allah Azza wa Jal ? فِي الْفَاتِحَ كُلِّ يَوْمِ. Combien de fois dans la journée ? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. طيب, tout ça, ça fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ces choses-là, elles ont été créées. Également, أَنْ يَعْرِفَ الْعَبْدَ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ وَأَنَّهَا ظَالِمَةً. Alors la personne, lorsqu'elle sait que elle tombe dans le péché et qu'elle connaît ensuite donc sa faiblesse, ça va l'empêcher de s'enorgueillir. Et que la personne qui ose s'enorgueillir, fil arbre, sur la terre, alors c'est une personne qui lui n'a pas pris en compte cette sagesse-là. Le croyant, il se rappelle et il connaît son imperfection. Et donc, jamais cela va l'amener à rendre son âme et à rendre donc sa personne orgueilleuse. Bien au contraire. Cela va le pousser à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hada également min al-hikam. Deuxièmement, ou arfon, cinquièmement, iqamatul hujjati ala al-abd. C'est-à-dire ici l'établissement de la preuve. Donc lorsque l'auteur du mal, il cède à ses penchants, car on sait que notre croyance, khilaf al-jabariya, les gens qui disent que Allah azza wa jal, il a obliger les gens à faire le péché, lorsque la personne tombe dans le péché. Ceux qui disent, parmi les sectes, et notamment Al-Jabariya, qui disent que le choix n'a pas été donné à l'homme. Le choix ne lui a pas été donné. Donc ici, c'est bien entendu contraire à la croyance des gens de la Sunna et du consensus, qui disent que même si Allah Azza wa Jal, il a créé toute chose, il a été laissé à l'homme le choix de son libre arbitre. C'est-à-dire donc de faire le bien ou de faire le mal. Et donc dans ce sens, si le péché il est prédestiné, et si l'homme de par son choix il a fait ce péché-là, alors, uqimat al-hujja alayh, c'est-à-dire donc que la preuve elle a été établie sur lui. La preuve elle a été établie sur lui, et il ne pourra pas dire ensuite qu'il n'a pas été lui le fautif. Taïb, ça également ça fait partie des sagesses de taqdir al-ma'asi. Le sixième point, an yu'amil al-'abdu bani jansi bima yuhibbu an yu'amilahu Allahu bi. C'est-à-dire donc que lorsqu'on sait que la personne elle fait des péchés, qu'elle est tombée dans des péchés, qu'elle a fait des mauvaises actions, alors on aimerait tant qu'Allah il nous pardonne. On aimerait tant qu'Allah il nous pardonne. Ici donc, une des sagesses de cela, c'est que ça va pousser la personne à faire quoi ? À faire de même avec ses confrères. C'est-à-dire lorsqu'ils font des erreurs envers lui, qu'il les pardonne. Ça le pousse ça le pousse à pardonner aux gens. Pardonne à celui donc qui a fait des erreurs, comme tu aimerais qu'Allah Azzawajal, il te pardonne. Ada également min al-hikam. Et ensuite, la septième, et qui est également l'une des plus importantes, c'est at-tawba, le repentir. Et c'est ce qu'on va voir et qu'on va étudier. Car on sait comment Allah Azzawajal, il aime le repentir de son esclave, et également comment, lorsque la personne, elle fait un péché, et qu'ensuite elle se repentit, comment Allah Azzawajal, il l'élève. Celui qui se repentit sincèrement de son péché, Allah Azzawajal, il l'élève d'un grand degré. Et ça fait min al-athar al-ajib. Ça fait partie donc des conséquences incroyables, grandioses, de la tawbah, et donc de la sagesse que les péchés ont été décrétés. Et ensuite, et le dernier qu'on va citer, ma'rifatu shar wal hadar min al-wuqu' fi. C'est-à-dire donc que la personne, elle connaisse le mal. Lorsqu'elle le voit autour d'elle et qu'elle sait ce mal-là, alors elle le connaît et ça va l'empêcher d'y tomber dedans. Ça également, ça fait partie des al-hikam. Comme l'exemple par exemple d'un enfant qui pour la première fois il voit un feu, il ne connaît pas ce mal-là. Le fait qu'il va toucher avec son doigt la première fois le feu, khalas, il va savoir que ça brûle et jamais il va y revenir. Donc il a pris connaissance de l'effet néfaste, le préjudice du feu. De même pour ce qui est de l'homme, devant al-ma'asi, devant les péchés, et lorsqu'il y tombe dans les péchés. Le cheikh a cité 24 points, on s'arrête au 8e, 8 points des plus importants. Ensuite, il y a Falkeisu. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات وإنما قدم في اللفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله في بول الأعراب صبوا عليه ذنوبا مما. Ici, الكيس c'est العاقل. الكيس c'est العاقل. C'est celui qui est clairvoyant et qui est intelligent dans sa religion. Et ici, il va tirer une sagesse qui va être extraite depuis la construction grammaticale de la phrase qui est employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Ça rentrait dans tous les détails de la grammaire ici, mais comme nous le rappelle le shia rahmatullah alayh, le prophète lorsqu'il a dit « wa atbi' al-sayyata al-hasana », il a cité en premier quoi ?« al-sayya ». Et il a cité en deuxième « al-hasana ». Donc le shia, il a vu qu'il y avait une importance dans le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exposer dans sa wasiya le terme seya qabla al-hasana. Et pourquoi cela? Tout simplement, comme on l'a expliqué auparavant, c'est que le but ici de la bonne action, c'est pas la bonne action elle-même, mais c'est d'effacer quoi? La mauvaise action. C'est pour ça qu'elle a été citée en premier, la mauvaise action. Car le but de la bonne action ici, c'est effacer la mauvaise action, et ce n'est pas thawab. Car ici, cette bonne action qui aura été faite dans le but d'effacer la mauvaise action, il ne va pas avoir ici un thawab, mais ça va être donc l'effacement du péché. Taïb. Donc c'est ici qu'il va faire donc une comparaison, une métaphore, le shirk, plutôt une comparaison avec un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous savez, dans le hadith que tout le monde connaît, lorsqu'il y a un arabi, c'est-à-dire un bédouin, un homme qui vivait dans le désert, qui est venu donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, de par son ignorance, et qu'il était donc loin des habitudes des musulmans, et qu'il ne connaissait pas ce qui était interdit et ce qui était obligatoire, et ce dont il devait s'écarter, il est venu dans la mosquée et il a uriné. Une fois que cela a été fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux sahaba de venir avec de l'eau, taïb, et donc de le verser sur quoi? Sur l'urine. Et c'est pour ça qu'il a dit le prophète sallam, subbu alayhi dhanuban minma. Donc il a cité dans un premier temps, où il a cité le prophète sallam ici, alma li tamhuwa athar al-bol. Il a cité donc l'eau pour qu'elle, l'eau ici pour uniquement pour qu'elle, qu'elle efface quoi? L'urine. Donc on voit que l'eau, on peut s'en servir, c'est-à-dire la boire, et n'intafir bi, mais ici le cas c'était uniquement de faire disparaître les conséquences de cette urine, c'est-à-dire donc athar, les, le reste de cette urine. Donc ici vous voyez donc la comparaison qui a été faite par le shir pour nous expliquer donc que à Seiya, ici le but c'est qu'elle soit effacée par Al-Hasana. Yana sabbu alayhi ala al-bawl. Donc al-bawl quddima ala ash. Al-bawl quddima ala al-ma. Ensuite, lorsqu'on a parlé donc des péchés, et que le shir ici va nous donner donc des remèdes pour ceux qui vont tomber dans ces péchés automatiquement. On est ici dans une wasiya. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est qu'on doit mettre en pratique. Tout ce qui va être dit dans cette wasiya, c'est des choses qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours. Donc elle est pratique, c'est quelque chose qui est pratique. C'est pas simplement du navari comme on dit. Des choses qui sont uniquement théoriques. Donc c'est pour ça que le shir, il va nous citer ici ce qui est nommé par les savants mawani'u infad al-wa'id. Mawani'u infad al-wa'id. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là? Mawani', donc c'est un terme que l'on retrouve chez beaucoup de savants de la sunna qui l'ont écrit dans leurs livres et qui vont nous indiquer ce qui va nous empêcher ou ce qui va empêcher la menace. Donc mawani', c'est le jam de mani'. Mani', hein, qui vient du verbe mana'a et qui veut dire donc empêcher. Yamna. Ici, elle mawani'. Donc tout ce qui va empêcher, infad, c'est-à-dire donc, infad, c'est-à-dire qu'elle soit accomplie. Et qu'est-ce qui va être accompli? C'est donc al-wa'id, la menace. Donc lorsqu'on fait un péché, ici, automatiquement, on est dans une position qui est la suivante, on est sous la menace d'Allah Azzawajal. Car le péché, soit Allah Azzawajal, il nous pardonne, ou soit il nous châtie. Donc on est dans quoi ici? Dans quelle position on est? Sous la menace d'Allah Azzawajal. Soit il nous pardonne, soit il nous châtie. Donc ça reste une menace. Et pour que cette menace elle ne soit pas mise à exécution, alors il y a des choses qui ont été citées dans le Coran et qui ont été citées dans la Sunna qui vont nous permettre donc de nous écarter de cette menace ou d'empêcher cette menace qu'elle soit mise à exécution. C'est ce que ça veut dire. Mawani' infad al-wa'id. Et que les termes même qu'on retrouve donc dans beaucoup de livres des savants. Ici, il faut savoir que les savants, et parmi eux, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, comme a fait Majmou' al-Fatawa, ils vont en citer 10. Il est très important de les savoir. Wallahi. Il est très important de savoir ces 10 choses qui nous permettent, après qu'on est tombé dans le péché, qui vont nous permettre de nous en écarter. De nous écarter de quoi? De la menace qui est attribuée à ce péché d'être exécuté. Le shir dans son livre ici, ou Arfouad dans sa wasiya, il en cite 4. Il va en citer 4. Et donc il va en rester 6, qu'on va nous aussi citer. Taïb. Sauf que les 4 ici, elles vont être bien entendu détaillées, et les 6 autres, on va les citer à la wajal ikhtisar bi-idhnillah. Nukmil ou natawakaf. Wala nasalukum. Je vois des yeux qui commencent à... C'est comme la massue dedans. Je vois les yeux. Hein. Donc c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez qu'on continue ou si vous voulez qu'on... Hein? Non? Et la tassira? Oui, bismillah. Simplement, c'est pour... vu qu'il y a beaucoup de taqsimat et beaucoup de points, il faut bien les apprendre, yani, inshallah, pour que ce soit yani, nafia, les jamia. Donc, parmi ce qu'a cité le shir, et le premier, c'est At-Tawba. Et il nous dit donc, وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَةُ مِنْ جِنْسِ السَّيِّئَاتِ. Naam. Également ici un autre point, c'est que السيئات, lorsqu'elle est faite, va rentrer dans une catégorie. Tayyib. Et lorsqu'on va faire Al-Hasana, pour faire quoi? Pour éliminer cette Seiya, alors il faut qu'elle soit de la même nature. C'est le mieux. Ablar, yakoul le shir. L'efforcement, ou l'effacement, va en être que plus accentué. C'est pour ça qu'il dit فَإِنَّهُ أَبْلَغُوا فِي الْمَحْوِ وَالذُّنُوبُ يَزُولُ مُجِبُوا بِيَشَتَيْبُ. Donc, à titre d'exemple, si la personne elle a coupé les liens de parenté, qu'est-ce qu'elle fait? Il renoue donc les liens de parenté. Ça, c'est un exemple qu'on peut donner. De même, celui qui a fait des mauvaises actions, ou on va dire qui a eu un très mauvais comportement avec son voisin, à titre d'exemple, de même, il va faire des bonnes actions contraires à ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il va essayer de se rattraper et d'avoir un bon comportement avec son voisin. Et ainsi de suite. Taïb, ainsi de suite. Surtout quand ça touche حقوق العباد. Surtout quand ça touche donc les droits des serviteurs. Et bien entendu, pour ce qui est des droits d'Allah Azzawajal, alors tout ce qui est connu, comme la prière surrogatoire, comme As-Sadaqa, tout fi ghadab Allah, etc. Donc ensuite il nous dit وَالذُّنُوبُ يَزُولُ مُجِبُهَا بِأَشْيَا. C'est-à-dire que les conséquences des péchés, ils sont effacés par ce qui va suivre. أَحَدُهَا التَّوْبَةُ التَّوْبَةُ وَالثَّانِي الْإِسْتِغْفَارُ مِنْ غَيْرِ التَّوْبَةُ. طيب قرأنا لا طيب فضل والذنوب يزول موجبها بأشياء أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس. طيب يوا هذه الأربعة هدي وعتق وصدقة وصية. طيب جميل. Donc le premier c'est At-Tawbah. Qui c'est qui nous donne la définition de Tawbah? Qui c'est qui nous donne une définition complète de At-Tawbah? Le on la troisième. Si on peut l'arrêter sur le moment. Là. On va donner en fait la définition de Ibn al-Qayyim. De même, في مدارج السالكين, un très bon livre, il va nous donner حقيقة التوبة, la réalité, le sens réel de التوبة. On va s'apercevoir que التوبة, elle concerne les trois temps. Donc, le ماضي, le passé, le مضارع, le présent, ou le مستقبل, le futur. الندم على ما سلف. Donc un nadam c'est le regret, regretter ce qui s'est passé dans le passé. Donc le regret c'est min a'mal al-qulub, hada min a'mal al-qulub, un nadam. Ça fait partie des actes du cœur. Et ensuite al-iqla'u anhu fil hal. Al-iqla' c'est donc délaisser le péché qu'on faisait fil hal, à l'instant même. Donc ça c'est le présent. والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. والعزم أن لا يعاوده في المستقبل. Et donc la détermination, comme il a dit le frère, la détermination de ne pas y revenir dans le futur. Donc on voit ici les trois temps qui sont présents. Et bien entendu, lorsqu'il y a un préjudice, la personne elle doit réparer ce préjudice quand c'est en rapport avec autrui. Et également pour ce qui est commencé parmi les min Ashrat Sa'al Kubra, lorsque le soleil va se lever de son couchant, de l'ouest. Et à ce moment-là, la Toba ne sera plus acceptée. Ou alors lorsque l'homme, il meurt. C'est-à-dire au moment même où l'al-ghar-ghara, au moment même où l'âme, elle sort, elle arrive au niveau de la gorge. Al-ghar-ghara. Fida wasara ila al-hulqum, au niveau de la gorge, donc, c'est terminé. Il n'y a plus de Toba. Mais pour ce qui est donc des trois principales conditions, c'est ce qui est cité dans cette, ce qui est cité dans ce qu'il y a de plus complet. الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم ألا يعاوده في المستقبل. والله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. C'est lui qui accepte donc le repentir de ses serviteurs et c'est lui qui pardonne les péchés. Subhanahu wa ta'ala. Les catégories de la Tawba sont de deux. Qui c'est qui nous les cite? Les deux catégories de la Tawba. Naam. Naam. Yani. Mada taqsid bi al-kubra wa sughra. La Tawba nafsu. La Tawba nafsuha. Les catégories de la Tawba. التوبة نعم يعني الكافر يتوب من الشرك ومن الكفر ويرجع إلى الله عز وجل بإسلامه لكن هذا يعني هذه توبة طيب كما المسلم يتوب من المعاصي يرجع إلى الله عز وجل فلا لا ننظر إلى هنا لا ننظر إلى حجم المعصية لكن نتكلم عن التوبة نفسها. Non. Deux sortes de Tawba, une qui est générale et une qui est destinée pour un péché bien précis. Mashallah. C'est écrit dans, en français ou? Non, c'est surtout sur. Mashallah, tabarakallah. Non. Yani al-Tawba, amma wa khassa. Sahih. Mashallah alik. Al-Tawba amma wa khassa. C'est-à-dire elle est de deux catégories, générale et. Est spécifique. En général, c'est ce qu'on appelle le Tawba al-Nasuh. Le Tawba al-Nasuh. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le Tawba al-Khassa. Le Tawba al-Nasuh, Yahyu al-Ladina amanu tubu ilallahi, Tawba al-Nasuh. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah Azzawajal, repentez-vous à Allah Azzawajal, d'un repentir donc qui va être, si le traduit sincère, on va voir ce que ça veut dire Nasuh. Donc al-Nasuh, c'est la Tawba qui va expier tous les péchés. C'est-à-dire qu'on fait une Tawba générale de notre situation. Une personne qui vit fi zina, qui vit fi sharb al-khamr, qui vit fi iddat ma'asi, qui va vivre dans beaucoup de péchés. Cette personne-là, elle revient à Allah Azza wa Jal et elle s'arrête de faire tous ses péchés. Ça, c'est une Tawba qui est générale. Tawba tu nasuha. Et Tawbatul Khassa, c'est une Tawba qui est en relation avec un péché, une forme de péché. Par exemple, la personne, elle fume la cigarette, elle fait Tawba de cela. Uniquement donc de fumer la cigarette. Elle se peut qu'elle fasse d'autres péchés. Et donc cette Tawba, et ça c'est dans Saniya, elle fait la Tawba d'arrêter de fumer la cigarette. Elle fait Tawba par rapport à cela. Donc ça va compter uniquement pour ce péché. Ça ne va pas compter pour les autres péchés. Taïb. Donc ça, c'est le khassa. Donc on peut s'apercevoir que soit la personne a fait une Tawba pour tous ses péchés, et donc, s'il est sincère, et s'il concrétise donc les points qui sont demandés dans la Tawba, Allah il va lui pardonner tous ses péchés. Et même, de par min ihsani, de par sa faveur, il va même peut-être les transformer en bonne action. Subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est du péché qui est unique, c'est-à-dire une forme de péché, alors dans Sania, lorsqu'il fait la Tawba par rapport à ce péché, c'est uniquement ce péché qui va être pardonné par Allah Azza wa Jalla. Taïb. Donc on voit qu'il y a deux sortes. Et donc il y a la possibilité de faire les deux. Et bien entendu, ce qui est demandé, Allah Azza nous a demandé de faire tawbatun nasuha. Mais il faut savoir qu'il y a cette deuxième catégorie de tawba, les savants en ont parlé, pour ce qui est du péché particulier. Si la personne, elle fait la tawba, par exemple, d'un péché, ou alors même si elle fait la tawba, tawbatun nasuha, une tawba de sa situation complète, de tous ses péchés qu'elle faisait, et c'est une tawba qui est sincère, c'est-à-dire que la personne, elle a concrétisé les trois points. C'est-à-dire qu'elle a vraiment regretté. Ça, c'est, on a dit, amal al-qulub. Bainak wa bain Allah, min amal al-qulub. Elle a regretté ce qu'elle a fait. Vraiment, elle a délaissé durant une période ses péchés. Et qu'elle a vraiment eu, au moment de la tawba, la détermination de ne pas revenir. Ça, c'est du al-qulub. Donc, il peut être sincère, la détermination. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après un moment, il retombe, de par sa faiblesse, dans ses péchés. Ou alors, si c'est al-khas, dans ce péché. La question qui va se poser, est-ce que sa première tawba, elle est acceptée? Et est-ce que ses péchés précédents, avant donc cette tawba, ils sont effacés? Le frère, il dit non. Naam. Si cette tawba, bien entendu, si cette tawba, elle était sincère, alors elle a été acceptée. Et donc, parce que toi, au moment où tu as fait cette tawba, tu as la détermination de ne pas revenir. Ça, la personne a détermination, je suis déterminé de par son cœur à plus revenir. Mais après peut-être un mois, peut-être même après un an, elle retombe dans ce péché, de par sa faiblesse. Cette tawba, elle est comptée. Et les péchés qui ont eu avant cette tawba, bi'idhnillahi ta'ala, ils sont effacés, si la tawba, elle était sincère. Et le fait donc qu'il revienne à ce péché, ça lui demandera une autre tawba. Taïb ? Donc ça, c'est un point important à comprendre et à savoir. C'est-à-dire, c'est pas que la personne elle pense que sa tawba elle était annulée. Non. Cette tawba elle était acceptée si il y a eu les conditions au moment où elle l'a fait. Il peut même retomber dans le péché peut-être 3 heures après. Peut-être 4 heures après. Mais le principal c'est qu'au moment où il a fait la tawba, il a eu réellement la détermination. Et cette détermination, il faut qu'il soit sincère. C'est pour ça qu'on parle de sincérité. C'est pas la personne elle fait une tawba et en réalité dans son cœur elle sait au fond d'elle, au fond de lui qu'elle n'est pas sincère. Et qu'elle a déjà l'intention de retomber dans le péché. Alors après, bien entendu, cette tawba, à la base, elle n'est pas acceptée. Naam. Parmi les erreurs que l'on fait par rapport à la tawba, c'est bien entendu ta'jil al-tawba. Ceux qui remettent toujours à plus tard la tawba, qui disent j'attends, je ne suis pas encore prêt, il faut que je fasse tawba plus tard. Hein? Comme par exemple, nos sœurs, malheureusement, qui ne portent pas encore le voile, elles disent je vais faire tawba de ma situation, Inch'Allah, plus tard je vais mettre le voile quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, ou alors quand je vais être plus stable dans ma vie, ou quand je vais arrêter mon travail, etc. Ça, ta'jil al-tawba, c'est quelque chose qui est... C'est une des erreurs. Une des erreurs dans lesquelles le shaitan, il fait tomber Bani Adam. Donc la personne, elle doit se précipiter à faire la tawba. Ya ayyu al-ladhina amanu, tubu ila Allah, tawbatan nasuha. Hada amru min Allah, tubu. Tubu ila Allah. Al-fi'al ala sirat al-amr, wa yaqtabi al-wujub. Et bien entendu, également, parmi ceux qui comptent uniquement sur la miséricorde d'Allah Azzawajal et qui ne font pas de tawba, qui comptent uniquement sur la miséricorde d'Allah Azzawajal, alors que la tawba, elle est nécessaire pour les grands péchés. Elle est nécessaire pour les grands péchés. La tawba, c'est une des conditions pour ce qui est des grands péchés. Et pour les autres péchés qui sont dits petits, on va voir donc qu'il y a d'autres choses qui yukaffir, tu kaffir adhi dhunub, as-sara'ir. On va y revenir également plus tard durant l'explication de cette wasiya. Également, de moments, parce que ça c'est encore pire, jahl bil ma'asi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, ils sont ignorants dans le péché d'où ils vivent. Ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont dans un péché. Et donc la personne qui est dans cet état-là, jamais il va revenir à Allah Azzawajal. Parce qu'il ne reconnaît même pas le péché dans lequel il est. Il va dire ça, c'est pas interdit par la religion. Wallah al-musta'an. De même, et c'est ici dans le même cas, pour ce qui est de l'innovateur, c'est pour ça que tu verras, pour ce qui est de l'innovateur, lui qui croit que l'innovation qu'il fait, il croit que c'est haqq, il croit que c'est une vérité. Est-ce que cette personne, elle va revenir de son innovation? Lui, il croit qu'il est halal haqq. Et ça, c'est la pire des choses. Comme on a dit au départ. C'est pour ça que cette personne ne va pas revenir à Allah Azzawajal. Wallah al-musta'an. Ça, c'est pour ce qui est de Tawbah. Ensuite, il nous dit le shir, al-istighfar. Il nous dit al-istighfar min ghayri Tawbah. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال فهو الكمال. D'abord, on va donner l'istighfar pour bien faire la différence entre l'istighfar et التوبة. On va donner maintenant les différences qu'il y a entre l'istighfar et التوبة, entre le repentir et la demande de pardon. Donc, parmi les différences qu'il y a entre l'istighfar et التوبة, c'est al-istighfar wa bil-lisan faqat. Al-istighfar, on t'aqul astaghfirullah wa bil-lisan astaghfirullah. Par contre, at-tawba yakun bil-lisan wa yakun bil-jawarih. Tayib, fa c'est encore plus général dans ce sens-là. De même que pour ce qui est de tawba, yalzam, comme on a dit, al-iqla' an al-ma'asi, c'est-à-dire que la personne elle délaisse le péché. Alors que ce n'est pas le cas pour al-istighfar. Il se peut donc que la personne yastaghfir, c'est-à-dire qu'il demande pardon et que malgré ça, il continue dans le péché. Voilà qu'il y a astaghfir. Taïb. Donc également ça, c'est une différence qu'il y a entre les deux. Comme on a dit, de par sa miséricorde, Allah Azzawajal, si la tawbah elle est sincère, ses mauvaises actions elles peuvent être transformées en bonnes actions. Ce qui n'est pas le cas pour l'istighfar. Si les péchés sont pardonnés par l'istighfar, si ce n'est pas le cas. Et ici, on va donner un hadith. On va faire une parenthèse, je vais vous citer un hadith qui est lui da'if. Un hadith qui est da'if, qui n'est pas donc authentique et qu'on n'a pas le droit de prendre en compte. Et qui est le suivant: Ma asarra man istaghfara wa law fa'alahu fi al-yawm 70 marra. Ma asarra man istaghfara wa law fa'alahu fi al-yawm 70 marra. C'est-à-dire que on sait que parmi ce qui est compté par fi as-sagha'ir, les petits péchés, tayyib, la condition qu'il soit effacé, c'est Adam al-Israr, c'est-à-dire la continuité ou la continuation dans ce péché. Qu'on fasse donc de manière continuelle. Taïb, ça c'est pour ce qui est de Sarahir. Et donc dans ce hadith, il est dit, celui qui demande pardon, man istaghfara, ma asarra, c'est-à-dire donc qu'il ne s'est pas considéré comme al-Israr. Même s'il continue à faire ses péchés, il n'est pas considéré comme une personne qui fait de manière continuelle ce péché tant qu'il dit al-istighfar. C'est ça, ma'na al-hadith. Et même s'il fait ce péché 70 fois durant la journée. Donc ce hadith, il est faible, on n'a pas le droit de le prendre en compte. La personne, hatta law istaghfara, walakin yastamir fi dhanb fawa yu'tabar annahu musir, annahu musirun. C'est-à-dire que la personne qui continue à faire donc le péché, continuellement, même s'il fait l'istighfar, alors il est quand même considéré comme moussir, comme une personne qui fait ce péché de manière continuelle. La différence également, c'est que le repentir, on ne le fait que pour soi-même. On ne peut pas le faire pour un autre. Par contre, à l'istighfar, est-ce qu'on peut le faire pour un autre? Non, comme on va le voir, il y a une grande récompense. C'est qu'à l'istighfar également, on peut le faire pour un autre. Le repentir, non. Je ne peux pas me repentir pour une autre personne. À l'istighfar, na'am, je peux le faire pour une autre personne. Comme Nouh l'a fait, et ce qui est rapporté, ce qui nous a été cité par Allah Azza wa Jalla dans son Coran, Rabbi ghfirli wa li walidayi wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minin wa lil mu'minat wa lil mu'minin wa lil mu'minat. Donc on voit ici que Nouh, dans ce verset du Coran, il a demandé le pardon pour ses parents et pour tous ceux qui rentreront dans sa maison en tant que croyants, et pour les croyants et pour les croyantes. Et dans ce hadith, qui est un hadith authentique et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani fi Sahih Al-Jami', qui est le verset 6026, pour ceux qui veulent le revenir, et qui est un hadith rapporté par l'imam Al-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Kabir, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Man istaghfara lil mu'minin wa lil mu'minat, man istaghfara lil mu'minin wa lil mu'minat, celui qui demande pardon pour les croyants et pour les croyantes, man istaghfara lil mu'minin wa lil mu'minat, kataba Allahu lahu li kulli mu'minin wa mu'mina hasana. Allah Azza wa Jalla, il va écrire pour tous les croyants Et pour tous les croyantes dont il a demandé pardon, pour eux, il va lui écrire une bonne action. Man istaghfara lil mu'minin wa lil mu'minat kataba Allahu lahu li kulli mu'minin wa mu'mina hasana. At-tawba, c'est de manière, tout le temps, c'est de manière absolue, mutlaqan. On peut la faire à tout temps, c'est-à-dire qu'on peut la faire à tout temps, la tawba. Par contre, pour ce qui est de l'istighfar, il y a des istighfar qui sont dits mutlaq, qui sont dits donc général, qu'on en fait à tout temps, et il y a certains istighfar que l'on fait à des temps qui sont bien précis, c'est-à-dire durant la prière, entre les sajdatan, ou fi athna sujud, tout ça, c'est des istighfar qui sont muqayyad, bi zaman, tayyib. Par contre, at-tawba hada mutlaqan daiman. C'est général, tout le temps, absolu tout le temps. Et donc, si on parle de la tawba et de l'istighfar, il y a une règle qui est connue, c'est-à-dire idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. C'est-à-dire lorsqu'ils sont cités at-tawba ou l'istighfar dans un même texte, alors ils ont chacun leur sens bien précis. Par contre, s'ils sont cités dans un texte sans que le deuxième soit cité, alors il prend la ma'na, c'est-à-dire le sens général, qu'a également le deuxième. Comprenez donc, si je trouve dans le texte istighfara wa taba, ça veut dire que l'istighfara c'est précis, suivant les différences qu'on a données. Ou al-tawba c'est précis également, suivant les différences qu'on a données. Par contre, si dans un texte il y a uniquement l'istighfara, alors ça peut prendre également le ma'na tawba. Taïeb. De même pour ce qui est de tawba. Si elle est citée uniquement sans l'istighfar, alors il prend également la ma'na de quoi? De l'istighfar. Idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Et at-tawba ya matlouba min al-mu'min wal-kafir. At-tawba ya matlouba min al-mu'min wal-kafir. C'est-à-dire, comme on l'a dit auparavant au frère, al-kafir yatoub min kufrihi wal-mushrik yatoub min shirkihi. Tayyib. Amma l'istighfar فذا في حق المؤمن يستغفر المؤمن. C'est également une des différences. طيب سنكتفي بهذا بإذن الله تعالى. Simplement, avant de finir, qui c'est qui connaît parmi vous? Et inshallah tout le monde le connaît et tout le monde l'apprend. Et si vous ne l'avez pas appris, il faut l'apprendre par cœur pour le prochain cours. Qui c'est qui connaît? Oh, Inch'Allah, tout le monde la connaît, Sayyid al-Istighfar. Sayyid al-Istighfar. Ceux qui apprennent Sayyid al-Istighfar et qui l'a dit tous les jours, le matin et le soir, qui lève la main. Non, qui lève la main. Wallah, chaque frère, il lève la main. Celui qui a appris Sayyid al-Istighfar et qui yutabbiqwa sabahan wa masa'an. Sayyid al-Istighfar. Non, je ne la dis pas. Ben, si tu ne la connais pas, Sayyid al-Istighfar, ça veut dire que tu ne la pratiques pas. Sayyid al-Istighfar. Sayyid al-Istighfar. Dis-moi-en une, peut-être. Et en principe, celui qui l'a appris, il la connaît comme étant Sayyid al-Istighfar. Eh, non, il y a Moujoud à Takaben fi Akfar al-Kutub. Les dhikr. Celle que tu connais, que tu récites. Et quoi? À la kouli hada, c'est Sayyid al-Istighfar. Tu la connais sans la connaître, en fait. Mais sans savoir que c'est Sayyid al-Istighfar. Naam. Et naam. Il y a Sayyid al-Istighfar. Taïeb. Et ça, en réalité, chaque musulman, il doit la connaître par cœur. Et il doit la réciter le matin et le soir. C'est plus qu'important pour le croyant. Et donc, Inch'Allah, si on assiste à ces cours aujourd'hui, et qu'on a parlé de Tawba, qu'on a parlé de l'Istighfar, et que le shir, il insiste sur cela, alors, Inch'Allah, le prochain cours, bi'idhnillah, tout le monde, il vient, j'interrogerai, il y en a un des frères. Yani, Hisnul Muslim, elle est présente dans tout le Afkar. Yani, elle fait peut-être trois. Naam. من يعرفها بالعربية؟ تفضل بصوت مرتفع. اللهم استغفرك واتوب اليك. تفضل. تفضل. نعم هو اخفان لانه هو رفع من البدايه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو لك بنعمتك علي. ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا سيد الاستغفار. ولا ينبغي لكل مسلم ان يحفظها ويذكرها في الصباح والمساء. Donc, on va donner une explication vite fait. اللهم انت ربي لا اله الا انت. Donc ici on va reconnaître quoi? On reconnaît le tawhid d'Allah, le ubudiyya lillah azza wa jalla. Et ça bien entendu, c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des azkar qui sont, on va dire, mumayyiz. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك خلقتني وانا عبدك. Donc ici également الاعتراف بالعبودية وبالربوبية او بالربوبية وبالعبودية. انت خلقتني وانا عبدك خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. وانا على عهدك. ما معنى العهد هنا؟ أنا على عهدك. نعم نعم. ولكن العهد يرجع إلى آية القرآن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه العهد le serment ou le contrat. العهد. Donc, ana yani ala ahdika wa wa'dik. Wal wa'd, al wa'd ya kullu ma ja'a fi al Qur'an wa kadhalik fi sunnah bi anna Allah azza wa jal wa'ada al mu'minin bil maghfirah wa bit tawba alayhim id aqamu at tawhid. C'est-à-dire donc que dans nombreux versets du Qur'an et dans nombreux hadiths du prophète sallam, Allah azza wa jal il va pardonner. Et c'est une promesse de lui à ceux qui viendront avec le tawhid, avec la concrétisation du tawhid. Tayyib. Ça c'est marna al-wa'd. Mastata'at. Mastata'at. C'est-à-dire ce que je peux. Et donc à partir de là, la personne, elle reconnaît devant Allah Azza wa Jal sa faiblesse. Et qu'elle a besoin tout le temps de faire des efforts et d'augmenter cela. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. اعوذ بك c'est-à-dire je demande protection de toi. اعوذ بك من شر ما صنعت c'est-à-dire de ce que moi je fais de mal. من شرور انفسنا اعوذ بك من شر ما صنعت. Allez. Donc à ce moment-là, tu vas reconnaître et l'i'tiraf bil ihsan wa bil an'am min Allah azza wa jalla. C'est-à-dire tu vas reconnaître tous les bienfaits qu'Allah azza wa jalla il t'a fait. Tu les reconnais. Et tu les reconnais de par ta langue. Wa abuhu bi dhanbi. C'est-à-dire donc je reconnais également quoi? Mes péchés. Wa abuhu bi dhanbi. Wa abuhu bi dhanbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Yani on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne et on reconnaît que c'est le seul qui pardonne les péchés. Hadith dua, demain tout le monde la sait par cœur. Et ensuite vous la récitez le matin et le soir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'a. A'udhu bika min sharri ma sana'ta abu laka bi ni'matika 'alayya. وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طيب. Donc demain j'interroge inchallah tous les frères et tout le monde la sait. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Si vous commencez ce soir, ensuite demain après le fajr, ensuite demain après le dhuhr, ensuite après l'asr, ensuite après le maghrib, Alors,